On a eu une nouvelle très importante la semaine passée, la faillite en fait de la ville de Détroit. Je vous avoue que moi j'ai été extrêmement surpris, je savais même pas qu'une ville pouvait faire faillite. Alors on va parler avec quelqu'un qui est en mesure de nous en dire plus long là-dessus, c'est monsieur Germain Belzile, économiste, maître d'enseignement au HEC, chercheur associé de l'Institut économique de Montréal. Bon matin monsieur Belzile. Bon matin. Merci d'avoir accepté notre invitation. Écoutez, expliquez-moi ça, je savais pas qu'une ville peut faire faillite. Est-ce que c'est bon, on dit que c'est la plus grosse faillite aux États-Unis d'une ville, est-ce que c'est la première ou il y en a eu plusieurs? Écoutez, il y a de 0 à 4 faillites municipales aux États-Unis par année depuis une cinquantaine d'années, donc c'est pas quelque chose d'inhabituel, là. J'imagine que généralement, c'est des plus petites villes. Oui, tout à fait. Ça, c'est une faillite de 18 à 20 milliards de dollars à peu près. La plus grosse avant ça, c'était le Jefferson County en Alabama, 4 milliards. Mais sinon, Orange County a déjà fait faillite. Il y a plein de villes assez connues qu'on fait faillite. Il y a eu des villes qui ont passé tout près aussi. New York est passé près, Pittsburgh est passé près, Philadelphie aussi. Mais elles ont été capables de s'en tirer autrement. OK. Dans le cas des villes que vous donnez en exemple, est-ce que le gouvernement fédéral est intervenu? Il est intervenu pour New York. Maintenant, il n'aura pas, il a facilité, les choses pour que les autorités mettent de l'ordre un peu dans leurs affaires. Mais on n'a pas effacé la dette comme on ferait peut-être au Québec, par exemple. Mm-hmm. Est-ce que ça vous étonne de voir, par exemple, que dans le cas de Détroit, le gouvernement fédéral n'intervienne pas? Non, ça m'étonne pas vraiment parce que je pense que avec les problèmes budgétaires qu'ils ont au niveau fédéral, ça serait extrêmement difficile d'avoir l'accord des deux jambes pour faire ça, premièrement. Puis deuxièmement, ça serait le signal du buffet ouvert, là, du bar open, là, si, parce qu'il y a d'autres villes qui ont des problèmes, puis il y a des États qui ont des problèmes aussi. Chicago a des problèmes financiers, LA a des problèmes financiers, Phoenix, San Jose, la liste serait bien moins longue, mais pire que certaines villes, il y a des États qui ont des problèmes financiers. En fait, avant que Chicago fasse faillite, c'est plutôt l'Illinois qui va faire faillite. Ah oui? Alors, c'est difficile pour eux autres de dire on va vous aider parce que il y a pas mal de gens qui vont faire des réclamations après ça. Là. Expliquez-moi, est-ce qu'au Canada, c'est du déjà vu aussi, ça? Je ne crois pas au Canada. Au Canada, d'après ce que je comprends, je suis pas un constitutionnaliste, là, mais les villes sont des créatures des provinces. Hein? Mm-hmm. Et puis, je pense que les provinces garantissent explicitement la dette des villes. Donc, je pense que si Montréal ou Québec ne payaient pas leur dette, par exemple, ne payaient pas les intérêts sur la dette, ne remboursaient pas à temps, ben, je pense que c'est le gouvernement du Québec qui serait pris avec tout ça. Ça reste à confirmer auprès d'un spécialiste, là, mais je pense que la situation est très différente. Les municipalités sont organisées de façon vraiment autonome aux États-Unis, ce qui n'est pas le cas ici. OK, ce qui explique finalement que le gouvernement fédéral veut pas intervenir. Là, on parle de liquidation. On procède comment, là? Parce que quand on fait une faillite corporative, on sait, on va liquider les biens, mais qu'est-ce qu'on fait, là? On parle d'œuvres d'art, entre autres, là, dans le cas de Détroit, puis on est pas pour vendre les camions, j'imagine, d'entretien de la ville, quoi. Il y a une procédure, hein, pour les faillites, là. Ça existe pour les particuliers. Par exemple, si vous faites faillite ou si moi je fais faillite, ben, il y a un syndic qui va être nommé et puis le syndic va évaluer tous nos avoirs et puis ensuite va faire une entente avec les créanciers pour qu'ils soient remboursés à 10 cents au dollar ou 25 cents au dollar, des choses comme ça. Aux États-Unis, il y a une loi spéciale qui s'appelle le chapitre 9 pour les municipalités. Et puis ça dit que, une fois qu'un juge a accepter que la ville soit mise en faillite sous cette loi-là, ben là, le juge prend les affaires en main en fait, les créanciers n'ont pas le droit de réclamer quoi que ce soit jusqu'à ce que ça soit réglé. Ce que ça veut dire, c'est que si il y a une injonction dans les tribunaux, là, mais si ils vont en appel puis ça fonctionne puis que la ville est en faillite, ils n'auront pas besoin de payer une scène d'intérêt à leurs créanciers ou de remboursement jusqu'à ce que tout soit réglé. Donc, à quelque part, ça va même leur donner un espace pour respirer, là. Qu'est-ce qu'on va faire après ça? Ben, on va s'entendre avec les créanciers pour les rembourser avec ce qu'on est capable de faire. Maintenant, les œuvres d'art du musée de Détroit. Le musée de Détroit, c'est un des plus beaux aux États-Unis. Il y a des œuvres d'art pour plus que la valeur de la dette de New York, sans doute là-bas, là. Mais ça appartient pas à Détroit, ça. Ça appartient au musée, qui est une corporation privée. Okay. Puis il y a beaucoup de dons qui ont été faits par des compagnies d'automobiles ou des milliardaires dans le passé, et puis qui ont été faits au musée en disant vous devez les garder en perpétuité. Donc, ils n'ont pas le droit de vendre ça, là. Donc, ça, c'est un peu une légende urbaine. Mm-hmm. Ça, il y a peut-être des trucs pour lesquels il n'y avait pas de conditions, là, mais ça doit être assez mineur. Ils ne rembourseront pas la dette avec ça, en tout cas. Mais... qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ben, ils peuvent certainement vendre des immeubles s'il y en a. Ils peuvent certainement peut-être même vendre du territoire, mais il n'y a pas grand-chose à aller chercher de ce côté-là. En fait, ce qui va se passer, c'est que il y a des créanciers garantis. Eux autres, ils ont des titres, des obligations qui étaient garanties par une tierce partie. Eux autres vont te rembourser à 75 cents au dollar probablement. Mm-hmm. Et puis les détenteurs de dettes non garanties, ils vont recevoir quelques cents sur le dollar s'ils sont chanceux, 2 cents, 5 cents, quelque chose comme ça. Et puis, mais le gros créancier de ville de Détroit, c'est les caisses de retraite. Ben, c'est ce que j'allais vous dire. On parle de 10 000 employés présentement, mais 20 000 retraités. Oui. Ils sont inquiets, ces gens-là, là. Ah, tout à fait. Ben, ils sont, et ça ressemble un petit peu au Québec aussi. Ouais. Ils sont signés des contrats blindés, des contrats extraordinaires que personne à titre privé pouvait avoir. Et puis, la ville de Détroit a 9 milliards de dollars de dettes face aux caisses de retraite. 3 milliards directement face aux caisses de retraite et puis 6 milliards en termes d'avantages médicaux et sociaux pour les retraités. Et puis ça, dans le processus de faillite, il n'y a aucun doute que ça va être revu à la baisse. Est-ce qu'on devrait prendre une leçon de ça? Ben, écoutez, oui, la faillite nous pend pas au bout du nez l'année prochaine ici, mais on sait qu'à long terme, les finances municipales sont insolvables à cause justement des caisses de retraite puis du fait qu'ils vivent dans la population puis bon et tout le reste là. Et puis donc il faudrait y voir avant d'être rendu dans la situation de Détroit. Alors je dis pas que ça va être le cas demain matin. Non, mais le maire Labeaume, entre autres, a sonné l'alarme à ce sujet-là il y a déjà un bout de temps. Hein? Ah oui, tout à fait. Et puis, c'est tellement facile pour les élus municipaux de donner des belles retraites aux employés, parce qu'après tout, c'est pas eux autres qui vont payer ça. Ça vient pas de leur poche, premièrement. Puis deuxièmement, ça paraît même pas dans les taxes actuelles. C'est dans les taxes futures que ça va paraître. Alors, c'est un win-win pour les politiciens, parce que ils rendent leurs employés très, très, très contents. Ils sont peut-être même capables de les payer un peu moins, parce qu'ils leur font un cadeau magnifique en termes de caisse de retraite. Et puis, ça les rend populaires. Et puis, évidemment, la facture, c'est leurs successeurs qui vont l'avoir. Et puis nos enfants qui vont l'avoir aussi. Dans le cas de Détroit, là, qu'est-ce qui les a achevés? Parce qu'on remonte, on dit qu'on doit remonter même aux années 50, aux années 60, pour expliquer le déclin de la ville. J'imagine que la crise automobile a achevé carrément Détroit. Ça n'a pas aidé, disons. En 1950, c'était la quatrième plus grosse ville aux États-Unis. Je pense que c'était la ville avec le revenu par habitant le plus élevé aux États-Unis aussi, à cause de l'industrie automobile particulièrement. Et puis, ils sont passés de presque 2 millions d'habitants en 1950 à 700 000 aujourd'hui. C'est incroyable, ça. C'est vraiment une baisse. Mais ils sont pas seuls à avoir fait ça. Pittsburgh a connu la même chose. Puis Pittsburgh, c'est une ville qui va bien maintenant, là. Mais ça, je vous en dirai peut-être un mot dans une minute, si vous voulez. Ouais. En tout cas, Détroit, là, perte de presque les deux tiers de leur population. Ou en tout cas plus que la moitié de la population. Ensuite, déclin de l'automobile nord-américaine, c'est-à-dire Chrysler, Ford, GM, AMC aussi qui existait à l'époque. Ils avaient presque tout le marché. Hein. Ils avaient 80% du marché et plus en 1950. Maintenant, les trois compagnies ensemble ont moins de 50% du marché. Mais ajoutons d'autres choses aussi. Les syndicats de l'automobile ont été extrêmement gourmands. Puis avaient des stratégies de négociation avec les compagnies qui faisaient en sorte que ils augmentaient leurs conditions de travail d'une façon extraordinaire. Ils étaient vraiment très, très, très habiles. Et puis, comme il n'y avait pas vraiment de concurrence extérieure, ben les compagnies américaines leur donnaient ce qu'elles demandaient en bout de ligne. Mm-hmm. Mais quand la concurrence a commencé avec les Japonais et les Européens, ça marchait plus, là. Il était plus capable de produire des voitures de qualité à un prix qui faisait du sens. Alors, ils ont perdu du marché à Détroit, l'automobile, mais aussi, ils ont commencé à se délocaliser. Les compagnies d'automobiles américaines font plus de production en dehors de Détroit qu'à Détroit. Mm-hmm. Elles sont installées dans le sud, dans des endroits où les lois favorisent pas autant les syndicats. C'est ce qu'on appelle des « right to work states ». Et puis, en général, c'est des compagnies qui sont très souvent pas syndiquées. Les salaires sont plus bas, les avantages sociaux sont plus bas. Mais écoutez, il faut être capable de faire face à la concurrence. Hein. Et puis, Détroit, quelque part, c'est tiré dans le pied avec ça, là. Ça, c'est un deuxième facteur. Un troisième facteur bien important, c'est que dans les années 60, il y a eu des émeutes raciales aux États-Unis, en Californie, puis un peu partout. Mm-hmm. Mais les plus graves, ça a été à Détroit. Durant une semaine en 67, il y a eu entre 40 et 50 morts, des milliers de blessés, 2000 édifices incendiés de façon criminelle. Et puis, ben les commerçants, quand ils ont eu l'argent de leur assurance, après que leur épicerie est brûlée, ben ils sont allés s'installer ailleurs. Mmh. Et puis, faut le dire, toute la classe moyenne est partie aussi. Alors, on s'est ramassé avec une ville qui est essentiellement noire et pauvre maintenant. Ce qui n'était pas le cas, c'était une ville de classe moyenne et classe supérieure en 1950, mais maintenant, il reste juste les pauvres là-bas. OK, quand on parle de, des émeutes raciales, on dit que les gens sont allés en banlieue, mais depuis, je ne sais pas moi, les 15-20 dernières années, sont allés où ces gens-là? Ils sont allés en banlieue aussi de Détroit? Ils sont allés en banlieue de Détroit, où ils ont quitté pour d'autres cieux. Ils sont en Californie, ils sont en Arizona, ils sont partout là. Mais vous savez, c'est pas unique hein, que la population se déplace. Pittsburgh a perdu l'acier dans les années 70. Uh-huh. Et puis, c'était une catastrophe pour eux autres parce que Pittsburgh était autant associé à l'acier que Détroit pouvait l'être à la voiture. Ouais, la ville de l'acier, en fait. Ouais. C'est la ville de l'acier, effectivement. Uh-huh. Bien, maintenant, le taux de chômage à Pittsburgh, c'est un peu plus que 6 %. C'est une ville qui est prospère. Ils se sont trouvés d'autres créneaux. Comment ils ont fait ça? Ben, pas mal. La moitié de la population est partie. La population a baissé de la moitié à Pittsburgh à peu près, là. Mais les gens qui sont restés, c'était des gens entreprenants. On a créé des conditions fiscales pour attirer les entreprises, pour encourager l'entrepreneurship. Le centre-ville de Pittsburgh est magnifique. Le centre-ville de Détroit allait pas là-bas à moins d'être armé lourdement. C'est la deuxième ville la plus violente aux États-Unis, Détroit, après la Nouvelle-Orléans, en passant. Mais dans le cas de Pittsburgh, là, est-ce qu'on a modifié les caisses de retraite des employés? Est-ce qu'on a fait le ménage là-dedans? On a fait le ménage là-dedans, bien sûr, on a fait le ménage là-dedans. En fait, on s'est assis et on s'est demandé, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour fonctionner autrement? On a baissé radicalement le nombre de fonctionnaires aussi. Et puis, mais surtout, on a créé, on a attiré le secteur privé dans la ville. Et puis, c'est pas une chose qu'on a faite à Détroit. On a tout fait, en fait, à Détroit pour décourager le secteur privé par un centre-ville invivable, par de la violence, par des taux de taxes élevés et tout le reste. Mm-hmm. Alors, dans le cas de la faillite, là, je disais qu'elle doit être validée, en fait, acceptée. Si elle l'est pas, ça fait quoi? On fait quoi? Elle doit être acceptée probablement quand on fait une demande, parce que c'est le tuteur de la ville, parce qu'il n'y a plus de maire là-bas, c'est un tuteur maintenant, là. Le tuteur de la ville a fait une demande devant les tribunaux. Maintenant, les tribunaux doivent accepter ça. Il y a une injonction qui a été demandée par les syndicats, qui a été donnée par un juge. Maintenant, il va aller en appel. Et ça va finir par passer, là. Il va avoir un processus de faillite. Et puis là, dans le processus de faillite, ben, le juge, il s'installe, et puis, il donne des ordres, si on veut. Là. Il décide qu'est-ce qui va être fait. Maintenant, il peut rien décider de politique, le juge. Il peut pas décider, par exemple, de couper les services ou des choses comme ça. Là. Ça va devoir venir des politiciens eux-mêmes. Mais au niveau de la dette, là, c'est lui qui est responsable. Et puis, entre autres, au niveau des caisses de retraite, ben, il va avoir des décisions à prendre. Mais en même temps, on se demande comment ils ont pu en arriver là. Je disais la semaine dernière que bon, il y a bien des endroits à Détroit où c'est pas éclairé le soir, la nuit non plus. Ça prend, je pense, 58 minutes quand il y a un appel au 911. Il y a plein d'exemples comme ça là qui démontrent que les services sont totalement dépassés là. Comment on peut en arriver là? C'est quoi, corruption? On parle de corruption aussi, je pense, dans le cas de Détroit. Ah oui, une corruption. Je pense que Laval, à côté de ça, là, c'est des anges que là-bas. Là. Il y a un nombre incalculable de... Excusez-moi, j'ai de la misère à vous croire. Non, mais c'est vrai, il y a un nombre incalculable de d'anciens conseillers municipaux qui sont fait construire leurs maisons gratuitement, qui ont jamais payé d'impôts fonciers. C'est tout à fait incroyable là-bas. Là. Il y a pas mal de gens qui devraient être en prison, à mon avis, là-bas. Là. Mais ça fait longtemps, vous savez, qu'on sait que Détroit s'en va vers la faillite. Ouais. Ben oui, ça n'arrive pas du jour au lendemain, ça. Il y a 15 ans, on le savait. Il y a 10 ans, on le savait. C'est encore pire. Puis évidemment, personne ne fait rien. Ben, en fait, parmi les gens à blâmer, écoutez, il n'y a aucun doute, il y a les voteurs hein, qui ont continué à élire les mêmes personnes. Mm-hmm. C'est le même parti au pouvoir depuis 60 ans là-bas. Comme à Laval, finalement? À peu près comme à Laval, effectivement. Là. Alors, mais sauf qu'à Détroit, à Laval, les finances publiques ont l'air pas si mal, tout de même. Mais à Détroit, on savait que les gens qui étaient là ne faisaient endetter la ville encore plus. Et puis, il n'y a pas vraiment d'échappatoire parce que c'est une corporation, c'est vraiment des corporations autonomes, les municipalités aux États-Unis. Donc, à Laval, au moins, on peut penser que quelqu'un va nous sauver la peau, peut-être, là, mais à Détroit, c'est moins le cas. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de... d'aveuglement dans tout ça, d'aveuglement volontaire. Là. Mm-hmm. Il y a plein de gens qui ont profité de la situation et puis qui voulaient pas régler les problèmes. On faisait le parallèle tantôt entre les caisses de retraite, la problématique des caisses de retraite, là, ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils vivent, à Détroit également. Le cas est vrai aussi à Québec, à Montréal. Mais au niveau administratif, là, est-ce que c'est exagéré de faire un parallèle, par exemple, avec Montréal, puis se dire « wow ». Ça devrait nous faire réfléchir à ce qui se passe à Détroit, là, parce qu'on parle de corruption, on parle au niveau administratif aussi. Est-ce que ça devrait pas effectivement, non seulement dans le cas des caisses de retraite, mais aussi au sens large administratif, dire wow, là, il faut peut-être prendre exemple à Détroit, là? Moi, je pense que oui. Alors, je répète, quand même, Montréal n'est pas sur le bord de la faillite, là. Puis, mais ceci étant dit, les dépenses... Je m'excuse, M. Belzé, Montréal n'est pas sur le bord de la faillite, mais est-ce qu'elle est en santé financière, la ville? Non, elle n'est pas du tout en santé financière. Puis les dépenses à Montréal augmentent plus vite que le PIB de Montréal. Donc, ça, c'est quelque chose qui est intenable, là. Je veux dire, c'est impossible de fonctionner comme ça à long terme. Montréal a un déficit à chaque année. Montréal augmente sa dette à chaque année. Alors oui, faudrait commencer à se réveiller puis y voir. Mais le problème aussi à Montréal, c'est qu'on a des lois. Vous savez, au Québec, on a des lois qui sont extrêmement contraignantes pour les administrateurs municipaux. Les employés ont le droit de faire la grève, les maires n'ont pas le droit de faire de lock-out. Il y a des conditions qui sont extrêmement favorables aux syndicats. Mm-hmm. Et puis c'est très très difficile pour les municipalités. Et puis ben il faut dire que dans une ville comme Montréal par exemple, ben écoutez, c'est il y a des quartiers assez pauvres aussi, hein. Et puis dans les quartiers pauvres où on paye pas beaucoup d'impôts, ben on est peut-être plus en faveur des services puis moins en faveur de comment je dirais, de la rigueur administrative et puis bon et tout le reste. Ouais, puis il y a les arrondissements aussi là. On dit que c'est pas gérable comme ville là. Ben on a beaucoup beaucoup trop d'administration à Montréal. Je pense pas qu'il y ait d'autres endroits en Amérique du Nord où on a autant de conseils municipaux par 100 000 personnes par exemple. Je veux pas vous prendre par surprise, mais vite de même là, y a-t-il une ville en santé financière au Québec? Bonne question. Ah, OK. Ah, j'avais plus d'espoir que ça. Oui, écoutez, je vous dirais probablement oui. Probablement Ville-Mont-Royal. Probablement Westmount. Il y a probablement des villes qui sont gérées de façon très, très, très serrée. Mm. Je vous dirais que à long terme, on va peut-être découvrir que les fusions municipales forcées, ça a été quelque chose d'assez mauvais. Au niveau financier? Au niveau financier, oui. Entre autres, en égalisant les conditions de travail des employés municipaux, mais pas vers le bas. Hein. On n'a pas nivelé vers le bas, on a nivelé vers le haut. Mm-hmm. Et on devait avoir toutes sortes d'économies grâce aux fusions municipales, mais on les voit pas vraiment, en fait. Oui, ben c'est un peu ça qu'on nous avait vendu à l'époque, là, mais ouais. Ça semble pas aller dans cette direction-là. Monsieur Belzile, merci infiniment. Merci de l'invitation. Bonne journée. Bonne journée. Il est 7h16, donc c'est Monsieur Germain Belzile, économiste. Et puis, il est à l'Institut économique de Montréal. En fait, il est maître d'enseignement au HEC. Et ben voilà, c'est intéressant. C'est un